Bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du 11 de mai de Daniel Kahn, intitulée « La destinée et le libre arbitre ». Bonsoir, Daniel. Bonsoir. La destinée et le libre arbitre. C'est une farce. C'est une farce. Alors, on va farcer. Ben c'est ça. C'est intéressant. Ça intéresse l'homme. Ça traumatise l'homme depuis très, très longtemps, le fait de savoir si l'homme a une destinée, donc si l'homme est manipulé, ou si l'homme n'a pas de destinée, donc si l'homme a un libre arbitre. C'est évident que si tu es manipulé, ça te donne une raison. C'est que tout ce que tu fais, c'est pas toi qui le fais. Ça peut être, selon nos enseignements, ça peut être Dieu, ça peut être le diable, ça peut être d'enseignements plus ésotériques, ça peut être l'astral, ça peut être le surmental, ça peut être n'importe quoi. Alors, ce qui fait que si tu as une destinée, c'est rassurant dans le sens que si tu décides, dans tes concepts destinataires, que ta destinée, c'est d'aller vers Dieu, ben, il n'y a plus aucun problème, tu peux rester couché chez vous, puis attendre, t'en vas dans les bras de Dieu. Si par contre, c'est l'inverse, ta destinée fait que tu s'en vas en enfer, dans ta conception, ben là, évidemment, tu grimpes après les rideaux, hein, tu cherches des échelles montées au ciel. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que, est-ce qu'on a une destinée ou si on n'en a pas? Puis, est-ce qu'on a un libre arbitre? Est-ce qu'on est capable de réfléchir notre destinée? Est-ce qu'on est capable de contourner ou de travailler ou de choisir parmi des destinées? On enseigne au niveau des enseignements catholiques que l'homme a le choix entre le bien et le mal. Donc, l'homme aurait un libre arbitre dans le sens que l'homme peut choisir si l'homme décide d'aller vers ce qu'on peut appeler l'enfer. On a déjà vu au niveau des réincarnations que l'enfer existait, mais que l'homme le vivait aussi un peu sur la terre. Ou encore, l'homme a le choix d'aller vers le paradis. Mais c'est compliqué de choisir si je vais en enfer ou au paradis, parce que je sais pas si les deux existent, je sais pas s'il y en a un qui existe plus que l'autre, je sais pas où ils sont, puis je sais pas à quoi ils ressemblent. Alors, ce qui fait qu'en partant, même si j'ai un libre arbitre dans le choix de ma destinée infernale ou paradisiaque, ben encore là, est-ce que j'ai réellement une destinée, ou est-ce que réellement j'ai un libre arbitre dans le sens que je peux choisir le bord où je vais? J'ai peur. Est-ce que c'est moi qui choisis d'avoir peur? Il y a Dieu, puis il y a le diable. Ben non, il y a des énergies qui sont négatives, des énergies qui sont positives, des énergies blanches, des énergies noires. Tout ça, ça me fait peur. C'est-tu un libre arbitre, ça? Est-ce que j'ai le choix d'avoir peur dans un foutu monde comme ça? Mais si moi, j'ai choisi inconsciemment d'accepter l'éducation héréditaire, l'éducation sociétaire que les adultes me donnaient, inconsciemment, j'accepte ça, ben automatiquement, j'ai pas le libre arbitre de décider quel genre d'avenir ou quel genre de vie psychologique je veux mener. Mais est-ce qu'on a réellement le choix d'accepter inconsciemment? Oui. L'éducation, on a le choix de l'accepter, mais on n'a pas le choix de choisir si on l'accepte ou non. C'est compliqué. Peux-tu élaborer un peu là-dessus? C'est comment faire. C'est écrit, mais on commence. Il faut m'élaborer, certain. Vois-tu, c'est que l'homme, pour réussir à se libérer de tout le marasme qui l'entoure, l'homme a juste à le décider. Mais le décider, c'est quoi le décider? Je le dis d'une façon intellectuelle, puis l'homme va le décider d'une façon intellectuelle. Fait que le résultat va être intellectuel, c'est-à-dire que c'est comme quand y a un auto qui te pile sa main, même si tu décides intellectuellement que ça fait pas mal, ben le corps, lui, ça fait mal. Alors, ce qui fait que tu as le choix réellement d'être, disons, heureux ou malheureux. C'est un choix que tu fais. Pourquoi? Ben pas à cause que tu décides d'être heureux. Le choix d'être heureux commence pas au fait de choisir si je veux l'être ou pas l'être. Mais il y a des choses qui m'amènent à vivre un bonheur ou un malheur. Puis toutes ces choses-là, c'est là-dedans que mon choix se bâtit, pas dans le résultat. Si je lance une balle sur un mur puis je veux pas qu'elle rebondisse, ben je suis bien mal placé pour qu'elle rebondisse. Tu sais, si je veux pas qu'il y ait de balles qui rebondissent, faut qu'il y ait pas de mur ou pas de balle ou pas d'action. Alors, ce qui fait que nous autres, on choisit toujours parce qu'on est des êtres inconséquents dans le sens qu'on n'est pas écologiste. On n'est pas capable de prévoir les conséquences de nos actes. C'est ça, l'anti-écologiste. Hein? L'écologie, c'est la science qui est capable de comprendre, d'avoir la compréhension des conséquences. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, je fais un paquet de choses dans ma vie. Puis tant que j'ai pas de retour de mes actions immédiatement, les conséquences, je m'en fous. Les conséquences, je les vois pas. Alors, on pollue, on fait bien des choses au niveau industriel présentement. C'est un exemple que je donne parce que là, on la voit, celle-là. Et puis quand il nous tombe des pluies acides qui grugent nos bâtiments en béton, ben là, on dit on est manipulé. On n'a pas le choix. Mais même si tu déciderais, ben j'ai le choix, je veux pas qu'il y ait de pluie acide. Le choix se pose pas là. Le choix se pose sur les actions antérieures. Alors, ce qui fait que l'homme broille parce qu'il est malheureux ou l'homme rit parce qu'il est heureux, mais ça, c'est des conséquences qui sont, disons, dues au hasard. Puis quand je parle du hasard, m'en revenir là-dessus, le hasard, c'est une forme de existentielle de destinée, le hasard. Sauf que c'est une forme de destinée qui est incomprise. Encore plus que la destinée. C'est-à-dire que le hasard, c'est une destinée qu'on ne remet pas dans les mains d'un dieu ou d'un diable. Alors, soit que c'est la destinée de Dieu, soit que c'est Satan qui me court après, ou soit que c'est le hasard. Mais le hasard, c'est une forme de destinée. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que c'est pas le hasard qui fait qu'à un moment donné, il tombe des pluies acides sur la Terre. C'est pas le hasard. Moi, j'appelle ça le hasard parce que je comprends pas d'où viennent, quelles ont été les actions qui ont amené cette conséquence-là qui me tombe sur la tête. Quand je suis heureux, je sais pas pourquoi je suis heureux. C'est-à-dire que je sais que je suis heureux parce que je me sens bien, mais je sais pas pourquoi je me sens bien. Le savoir, je m'arrangerais pour toujours être heureux. Mais vu justement que je le sais pas, ben, ce qui fait qu'après le bonheur, je tombe dans le malheur. Parce que j'ai fait des choses. Donc, j'ai mené un peu ma vie d'une certaine façon sans pouvoir prévoir les conséquences de ma vie. Et puis là, tout d'un coup, je suis heureux. Puis après, je suis malheureux. Puis après, je suis heureux. Puis même si je fais des choix, là, libre arbitrairement, je dis je veux être heureux quand t'es malheureux, ça change rien. Parce que s'il y a de l'eau dans mon verre, si présentement je souhaite avoir du vin, puis que je comprends pas les mécanismes qui régissent les transmutations matérielles, j'ai beau souhaiter, ça reste intellectuel, il va rester de l'eau là-dedans. Sauf si j'ai une immense imagination, puis je réussis à avoir l'hallucination que de l'eau, que c'est du vin, puis je peux goûter, puis ça va être du vin. Puis je peux même susciter en moi une réaction alcoolique. Bon, ça se rapproche de l'hypnose. Ben ouais, quand même, c'est de l'eau va être là-dedans, sauf que la conception, la perception que moi, je vais en avoir décidé, va être autrement. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que ton libre-arbitre en a un, mais à travers ce libre-arbitre-là, t'es manipulé au coton. Le premier manipulateur, c'est celui qui a le libre-arbitre, c'est toi. Mais qui, toi, dans toi? Il y a beaucoup de choses dans toi. Ton corps, c'est physique, c'est matériel. Quand ton corps a faim, c'est pas ta psychologie qui a faim, mais ta psychologie est manipulée par ton corps. Donc, ta psychologie n'a pas le choix. Elle a peur si, justement, elle n'a pas de nourriture puis qu'elle sent qu'elle a faim. Si t'es perdu dans le désert, ton corps a soif. Ton corps, il a pas peur, il a soif, lui. Mais ta psychologie, elle a pas soif, elle a peur. Parce qu'elle sent que le corps a soif et qu'il n'y a pas d'eau, t'es dans le désert. Ce qui fait qu'automatiquement, t'es manipulé. Ta psychologie, tu es manipulé, le dessus, c'est ta psychologie pour l'instant, disons, le phénomène astral. Tu es manipulé par ton corps physique. Parce qu'il y a un apprentissage mémoriel. T'as vécu des expériences qui te disent que si tu bois pas, ben, tu vas avoir un feeling de plus en plus dégueulasse selon ta perception. Puis, tu sais qu'il y en a que tu peux mourir de déshydratation. Donc, toi, ta psychologie est donc premièrement manipulée par l'organe matériel, par la forme corporelle. Mais, en plus de ça, la forme corporelle est manipulée par la psychologie de l'homme. Parce que toi, si tu fais un rêve, ou toi, si tu as peur d'un acte psychologique, si moi, je te dis, je te donne des menaces, c'est un acte psychologique, le corps n'a pas peur, lui, là. Mais toi, t'as encore peur, t'interprètes ça, tu as commencé automatiquement à entrer dans une espèce de phase de choc, c'est-à-dire que tu vas avoir une augmentation de ton rythme cardiaque, tu vas avoir une augmentation de sécrétion endocrinale. Tes glandes endocrines vont se mettre à fonctionner. Mais le physique, il n'y a rien à faire là-dedans. Mais le physique est donc automatiquement manipulé par ta psychologie. Alors, toi, une manipulation corporelle vers l'astral, vers la psychologie de l'homme, t'as une manipulation qui va être astralo-corporelle aussi. Donc, les deux, c'est réciproque. Ça, c'est le premier manipulateur. Mais il y a d'autres manipulateurs drôlement plus vastes. Mais le libre-arbitre à l'intérieur de tout ça, il se fait où? Ben, il se fait premièrement que ta psychologie, elle, n'est manipulée par le corps que si elle se laisse manipuler par le corps. Donc, si moi, je n'ai pas peur, ben, mon corps a beau avoir mal, a beau avoir soif, a beau avoir faim, a beau avoir n'importe quel désir corporel, c'est-à-dire c'est un stimuli corporel, ben, si moi, je n'ai pas dans ma psychologie le concept que je devrais réagir de telle ou telle façon à ces stimuli corporels-là, ben, automatiquement, ma psychologie commence à être drôlement moins manipulable par mon corps physique. Et vice-versa. C'est-à-dire que plus tu vas dans un degré d'intelligence au niveau des plans humains, moins tu devrais avoir de manipulation par les plans inférieurs. Mon corps physique n'a pas le choix d'être manipulé par ma psychologie. C'est-à-dire que si j'ai peur, il réagit. Si j'ai faim, psychologiquement, ben, il y a des réactions qui vont se faire. Autrement dit, si je pense que j'aimerais manger une tarte à la crème, ou ben non, un gros gâteau ou n'importe quoi, ben, automatiquement, mon corps, il commence à préparer. Pavlov a fait des expériences là-dessus. Hein? Tu commences à saliver, il y a un paquet de choses qui commencent à se passer parce que tu as une, bon, tu commences à penser à une jolie fille ou, si t'es une femme, à un joli homme, ben, tu as des réactions physiques. Le corps n'a pas le choix à moins d'être inadéquatement préparé. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes au niveau corporel, Le corps n'a pas le choix d'être manipulé par ta psychologie. Le corps, c'est présentement, disons, le sous-plan de l'homme le plus inintelligent. Il est très bien fait, c'est très extraordinaire, mais je parle par rapport aux autres plans, c'est le plus aberré. À l'intérieur de ça, il y a un autre plan qui est le vital, qu'on parlera pas présentement. C'est un plan très complexe que d'ailleurs la science a de la misère à maîtriser. Le plan qui anime la matière. C'est-à-dire que ça, c'est relié par une espèce de corps vital, mais c'est un corps vital qui est dans un sous-plan vital. Et puis le nôtre, il est animé. Donc, tout est maintenu en forme, mais en plus, on a ce qu'on appelle la vie. Mais c'est complexe. Passons au plan psychologique que l'homme peut mieux saisir. Alors, au niveau du plan psychologique, la manipulation du physique sur la psychologie. Alors, au niveau du plan psychologique, ce qui arrive, c'est que normalement, le corps manipule la psychologie de l'homme. Mais, vu que ce plan-là est un degré plus intelligent que le corps, que la forme, que le véhicule, ce plan-là devrait être capable de ne pas être manipulé par le véhicule matériel. Si tu vas au plan mental, bon, le plan psychologique, c'est quoi? C'est nos mémoires. C'est quoi? C'est tous nos émotions. Donc, ça inclut aussi les désirs et toutes ces choses-là, les peurs, tout ce qui se passe là-dedans. Le plan mental, c'est quoi? C'est ce qui est né du plan psychologique, donc du plan astral, appelons-le comme ça. Alors, ce qui arrive, c'est que le plan mental, c'est la partie de tout l'être humain qui est capable de travailler d'une façon logique, d'une façon adéquate pour réagir à des événements. Donc, moi, psychologiquement parlant, donc astralement parlant, je sais que je peux désirer telle chose. Mais mentalement parlant, mon mental, mon intellect va analyser d'une façon logique, comme un ordinateur, pour dire, oui, mais c'est pas adéquat parce que ce piano-là, il rentre pas chez vous. Premièrement, il passe pas par la porte. Deuxièmement, c'est un 15e étage, j'ai pas d'ascenseur. Troisièmement, faudrait-tu mettre ton frigidaire dehors parce que le piano rentre pas dans la cuisine. Alors ça, c'est ton intellect. Mais ta psychologie, ta forme astrale, elle veut, ah oh oui, mais ça serait beau, je pourrais jouer de la musique, puis elle pense pas. Mais la forme mentale, la forme intellect, elle est donc encore un degré plus intelligente, plus fonctionnelle, plus opérationnelle dans l'univers où l'homme est placé. Et celle-là devrait être encore moins manipulable par la forme astrale et encore moins par la forme matérielle, le véhicule. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Hein? Présentement, notre émotivité se sert de l'intellect pour construire des choses qui peuvent assouvir nos problèmes ou nos désirs psychologiques. Alors, comme j'explique souvent, l'exemple le plus évident, c'est que parce que j'ai peur, je prends ma science puis je me fabrique des armes. Mais ça, c'est pas intelligent. C'est psychologique, c'est émotif. C'est mon émotivité qui gère mon intelligence, mon intellectuance, c'est-à-dire ma possibilité mentale de réagir à l'extérieur. Si toi, tu rentres puis tu fais « beuh », mon corps physique peut réagir, peut ne pas réagir. Si tu rentres puis tu as un rugissement d'un lion, génétiquement parlant, est incrusté en moi une mémoire qui fait que mon corps physique va réagir. En plus de ça, j'ai appris, donc mémoriellement parlant, j'ai appris c'était quoi un lion, j'ai vu dans Tarzan que ça bouffait du monde. Alors, ce qui fait que si tu arrives avec un rugissement de lion, en plus, l'extérieur, ton rugissement, après avoir manipulé ma forme matérielle, va manipuler ma forme psychologique. Mais mon mental devrait dire, bon, ben là, je te cite, il y a un lion qui rugit, fait que moi, recommencer par percevoir si c'est un lion ou non. Mais vu que ta psychologie, présentement, dans le niveau évolutionnaire de l'homme, la psychologie, l'astral, domine encore le mental, ben automatiquement, le mental n'a même pas le temps de réfléchir l'émotion psychologique qui vient de naître. Le mental n'a même pas le temps de réfléchir la vibration matérielle, humaine, c'est-à-dire biologique qui vient de naître. Le mental, il disparaît complètement. Toi, tu cries puis tu grimpes après un rideau, tout de suite. Là, quand tu te retournes, il n'y a pas de lion. Fait que là, tu pourrais rire, parce que ça, c'est l'orgueil, hein. Tu pourrais excuser le fait que t'es niaiseux. On fait un bruit puis tu t'as peur. Pourquoi? Un bruit, ça n'a pas fait mal à personne, sauf si c'est un coup de canon qui te tire dans les oreilles. Ça fait pas peur, ça fait du mal, là. Mais, tu sais, le fait qu'on fasse beuh quand tu te promènes le soir, puis ça, c'est un phénomène qui est amusant. Ton mental est capable d'annihiler toutes les formes de manipulation. Puis c'est ça le travail du mental. Le mental, on en arrive là. Le plan d'évolution de l'homme en est rendu, justement, où le mental peut commencer à empêcher la forme psychologique, la forme astrale, de le dominer. Alors, ce serait à ce moment-là que l'homme a le libre arbitre à travers son mental, à travers son plan mental. Non. Oui, mais non. C'est compliqué, le libre-arbitre. C'est subtil. C'est plus facile de voir encore la manipulation que le libre-arbitre. Si je parle du libre-arbitre en premier, le monde, ils vont bien voir du libre-arbitre tout partout, puis ils vont laisser faire la manipulation, puis ça, c'est une forme de manipulation. Si je parle de manipulation avant, puis qu'on sait tout comment ça marche, mais les trous qui restent, c'est le libre-arbitre, puis ils sont pas gros. Mais ces petits trous-là, libres de libre-arbitre, peuvent te permettre de carrément régler le problème au manipulateur. Au manipulateur, AUX, parce qu'il n'y en a plus qu'un. Alors, Ton schéma mental, normalement, devrait être capable, justement, de décider. Soit tu arrives, tu as un enfant, et puis ton enfant se brûle après le poil. Alors, dépendant de l'assujettissement qu'a ton mental à ton astral, à ta psychologie, toi, tu vas crier, tu vas paniquer, tu vas téléphoner la radio pour savoir quoi faire, tu vas appeler le poste de police, tu vas n'importe quoi, mais tu réagiras pas d'une façon pratique. Si tu n'as pas d'émotivité ou si le mental est capable justement de prendre sa place, parce que là, c'est pas un événement où l'émotivité doit surgir, c'est un événement où on doit agir intelligemment, d'une façon intelligente. Alors, ce qui fait que là, le mental devrait prendre sa place. Si le mental prend sa place, bon, ben, tu vas prendre mettons que ton enfant s'est brûlé la main, ben, tu vas commencer par l'ôter du rond du poêle, hein. Tu vas éteindre le feu si le feu est pris, tu vas mettre sa main dans de l'eau froide, tu vas chercher un numéro de médecin ou d'ambulance. Tu vas procéder d'une façon logique, coordonnée, où l'émotivité n'a pas sa place. Parce que si elle a sa place, elle va perturber le mental et tu pourras pas réagir d'une façon correcte. Alors, ce qui fait que là, normalement, le mental devrait prendre la place. Mais le mental est venu au monde de l'astral. C'est-à-dire que c'est l'astral qui l'a enfanté. Puis comme tu sais très bien, on peut le vivre aujourd'hui, que quand un enfant essaye de montrer de quoi aux parents, ben les parents, ils veulent rien savoir. Hein? Alors, l'astral, c'est pareil. Quand le mental veut prendre sa place, l'astral, le mental n'a pas d'expérience. Le mental, lui, peut fouiller dans les mémoires de la psychologie, donc dans les mémoires humaines, pour pouvoir cataloguer, étudier, puis décider. Puis en même temps, lui va fouiller dans les bons tiroirs de mémoire, les tiroirs ou les mémoires qui sont adéquatement utiles par rapport à un événement que lui perçoit, c'est-à-dire que les sens astro perçoivent. Alors, si le mental est libre, ben, t'as un bonhomme ou une bonne femme absolument efficace. Dans n'importe quelle situation, parce que l'humanité a vécu à peu près tout ce qui était vivable comme situation. Puis toi, tu as la possibilité de fouiller non seulement dans tes mémoires à toi, mais dans les mémoires de tes ancêtres, mais aussi dans les mémoires de l'humanité. Alors, ce qui fait que c'est des voyages astro, mais il y a des voyages astro que tu peux faire consciemment, bien réveillé, hein. Alors, ce qui arrive, c'est que si ton mental peut aller fouiller dans ce qu'il y a de besoin, t'es capable de replacer, de réparer une panne de moteur, même si tu connais pas la mécanique. Parce qu'il se trouve que tu vas regarder des choses, d'un coup tu vas voir un fil déconnecté, tu vas regarder où ce qui peut aller, ça a de l'allure qu'il y a là, tu vois qu'il n'y a pas trop de rouille là, qu'il y a déjà eu, tu sais, bon, il y a bien des choses que tu fais. Mais si t'es sur le bord du trottoir, puis ton char est en panne, puis t'ouvres le hood, puis tu vois le moteur là-dedans, puis ça te saute d'en face, là, je veux dire, tu n'as rien à voir là-dedans. Ça, c'est rien que de l'émotivité. L'émotivité, ça a une utilité, mais ça n'a pas comme raison d'être de manipuler tout le reste. Le gros manipulateur petit, hein, le gros manipulateur interne à l'homme, c'est sa psychologie. C'est son émotivité, c'est ses désirs, c'est ses mémoires. Parce que toi, tu as peur à cause que tu sais des choses. Tu as peur, si je te dis, rentre pas dans ce pièce-là, il fait noir, puis une planche qui est à terre, puis un clou de 6 pouces qui dépasse, ben si tu sais pas qu'est-ce que ça peut faire, ton mental peut mieux travailler. Si tu sais qu'est-ce que ça peut faire, parce que là, 3 mois, si t'en as planté un clou, t'as eu une opération avec ça, mental peut pas travailler, des chances tu rentres même pas dans la pièce ou que tu cherches une lumière ou quelque chose. Puis si tu aurais pas expérimenté le clou, mais que ton mental peut savoir que, ouais, ben, un clou de 6 pouces, tu peux voir, tu vas te promener en traînant à tes pieds. Tu vas tout de suite avoir une solution intelligente, adéquate à l'événement. Tu seras jamais mal pris. Mais vu que la psychologie, puis je reste là-dessus assez longtemps pour la simple raison que c'est le grand manipulateur mineur de l'homme, cette psychologie-là doit être comprise. La psychologie humaine peut pas être détruite. Parce que si tu veux la détruire, c'est un désir. Puis étant un désir, c'est déjà inhérent à ta psychologie. C'est parce que tu veux aboutir à quelque chose, puis ça vient du fait que tu sais que tu peux aboutir là, tu l'as mémorisé, puis c'est un phénomène qui est astral, qui est psychologique. Alors c'est pas par la psychologie qu'on réussit à annuler le problème psychologique, c'est créer d'autres problèmes. Ta manipulation, elle est terrible dans le sens que toi, tu te manipules. Tu es le premier manipulateur. C'est important que l'homme s'en rende compte. Parce que l'homme, avant de commencer à dire, ouais, mais elle, quand elle me parle, là, j'ai rien qu'à fermer la porte au nez, puis raccrocher le téléphone quand le gars, il m'appelle le soir pour me dire qu'il veut coucher. Moi, je raccroche tout. Non, là encore, tu n'agis pas, tu réagis, t'sais. Le bonhomme qui est rentré au Parlement dernièrement, qui a avec sa mitraillette, ben, si quelqu'un qui est armé sort puis le tire, c'est pas une action qui a fait une réaction. Elle était intelligente, c'est-à-dire qu'elle était, souhaitée, dans le sens que le gars tirait sur le monde. Mais le gars, c'est pas son mental qui a réagi. Le gars a fait une réaction. Donc, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est tout au niveau de l'homme interne, de la psychologie même de l'homme, que ça se passe, ces choses-là. Si tu décides, quelqu'un, par exemple, dégonfle tes pneus tout bout de champ, ben, un jour, toi, tu mets une bombe dans son char, pis c'est tout, ben non, tu dégonfles tes pneus, toi, avec. Ben, c'est quoi, ça? C'est pas une action, c'est une réaction. Aurais-tu dégonflé ses pneus s'il lui aura pas dégonflé les tiens? Non. Donc, tu réagis à ce que lui fait. Ça, c'est une réaction. T'as des réactions qui sont instinctives, t'as des réactions qui sont réflexes. Une réaction réflexe, c'est quoi? Simplement, c'est que si je donne un coup, par exemple, exemple, tu as pu. Hey, hein? Si je donne un coup à une zone réflexe de mon corps, bon, il y a un influx nerveux qui s'en va à mon cerveau pour l'avertir qu'il vient de se passer quoi. Mais cet influx-là, arrivant à ma colonne, refoule tout de suite pour donner un ordre aux muscles pour qu'ils réagissent. Puis après, moi, je t'avertis. Alors, qui fait que ça a des avantages, comme quoi si tu mets ta main sur une casserole que tu prends sur ton poêle, puis qu'elle est chaude, ben tu te dis pas, merde, c'est chaud. Là, c'est brûlé. Un réflexe, c'est ça. C'est adéquat, mais c'est inintelligent si c'est pas l'intelligence de l'homme, donc l'intellect de l'homme qui l'a instauré. Toi, tu prends de quoi? Puis après ça, tu te rends compte que c'est chaud. Là, tu perçois la douleur. Tu l'as déjà lâché, lui. Ton corps l'a su bien avant ta psychologie. Une chance. Mais tu peux aussi bâtir des réflexes. Alors, par exemple, je parle encore de bonhomme qui rentre dans une salle puis qui tire sur tout le monde. Si toi, ça fait longtemps que tu as pratiqué différentes choses qui sont rentrées au niveau psychologique pour commencer, disons, par exemple, des arts martiaux, ou tu as participé à ben des entraînements de commando, mais quand le gars rentre avec sa mitraillette, t'attends même pas de savoir qui tire, que t'es déjà en arrière en dessous d'une table, que t'es déjà en train de ramper vers l'endroit où le gars se dirige pas, c'est-à-dire vers d'où il vient parce qu'il va avant. Tu sais, il y a bien des choses qui sont réflexes, mais là, qu'est-ce qui fonctionne, c'est pas l'émotivité. C'est que dans tes tiroirs de mémoire, dans ta psychologie astrale, il y a cet entraînement-là. Puis vu que ça a tellement été répété et répété, automatiquement, ça même va traverser toutes les autres psychologies pour s'en aller chercher le pouvoir mental, puis être utilisé par le mental immédiatement dans le temps où ça se passe. Alors, ce qui fait que moi, par ma pratique, si quelqu'un me saute dessus, ben, il saura pas ce qui va se passer. Moi non plus. Moi, m'être encore debout, pas lui. Là, après ça, m'a prendre conscience de ce qui vient de se passer, mais c'était intelligent ce qui s'est passé parce que c'était mental. C'est une réaction réflexe, mais c'est pas une réaction psychologique ou émotive. Alors, ce qui arrive, c'est que tu vas réagir psychologiquement d'une façon réflexe, mais c'est ta psychologie qui a engendré cette habitude réflexaire-là, de réflexe plutôt, où tu réagisses à ça. Alors, ce qui fait que toi, tu sais très bien, tu le sais, ça, tout le monde te l'a dit, tu l'as lu, tu l'as appris, tu l'as vu, que si tu te promènes dans une ruelle à minuit puis qu'il fait bébé noir, tu sais que tu dois avoir peur. Tu l'as appris, t'es un humain. Si tu pourrais être humain, faut t'aille peur. Tu sais que si quelqu'un arrive à l'autre bout, ben là, faut t'aille encore plus peur. Tu sais tout ça. Ça, c'est un réflexe, ça. Le corps suit, tout va bien. Là, hey, j'étais un humain, crime, je suis mouillé, puis j'ai peur, puis je sais que j'étais un humain. Tu sais, tu le sais, là. Là, tu prends conscience, tu vis. Mais ça, c'est des réflexes qui sont psychologiques. Ils se sont créés d'eux-mêmes sans que ta capacité mentale ou intellectuelle ait mis la main là-dessus. Alors, ces réflexes-là, ce sont des réflexes qui nous manipulent, mais d'une façon qui est incoordonnée, puis inintelligente, puis inefficace. Alors, la psychologie, c'est le grand manipulateur. Mais le problème, c'est que toi, tu as des inputs, pour employer le terme qui est plus facilement compréhensible. Et tout ça rentre au niveau de ta psychologie. Ce qui fait que si moi, je te dis quelque chose, ça peut automatiquement te manipuler. Hein? Ben oui, ça c'est évident parce que de toute façon, c'est le même qu'on a dit avec nos enfants. On les manipule. On leur dit des choses, on leur ordonne des affaires, on leur fait peur, on leur explique tout croche travers, puis on leur dit qu'ils doivent le faire. Parce que ça fait plaisir à un moment, ou encore parce que ça fait de la peine à un moment, ou pas. Bon. Alors là, il y a donc des réflexes que nous, on crée dans nos enfants pour pouvoir les manipuler, parce que l'éducation, c'est une manipulation. Quand elle est faite d'une façon psychologique, on a des belles idées émotives de vouloir bien les éduquer, mais ça, c'est émotif, pas intelligent. Puis quand l'émotivité s'écarte, justement, de travailler de cette manière-là, parce que l'enfant réagit pas comme tu veux, réagit comme ça il tente, automatiquement, ben là, l'émotivité qui était bien belle se transforme en l'inverse, puis tu commences à manipuler. Parce qu'il y a la manipulation même, la culpabilité en tout, c'est une forme de manipulation réflexe qu'on instaure dans les individus, qu'on instaure dans nos employés, qu'on instaure dans nos enfants, qu'on instaure dans tout ce qu'on peut en instaurer. Et puis les autres nous en instaurent avec, hein, ce qui fait qu'on est tous manipulés. Mais le problème là-dedans, c'est que c'est toi encore qui te laisse travailler par ce qui vient pénétrer en toi. Si toi, tu te sens coupable ou si toi, tu te sens obligé de réagir de telle ou telle manière, parce que quelqu'un te l'a dit, t'as pas de cravate à soir, puis tout le monde va en avoir une cravate, ben toi, tu te sens obligé de mettre une cravate, ben c'est une manipulation. Mais là, tu vas dire, ouais, mais c'est l'autre qui me manipule, ce qui fait que si moi, je sors plus là, il n'y a plus de problème. Si moi, ça me tente, par exemple, de... Je suis en pleine conférence, ça va bien, puis j'ai envie de lâcher un gros pet, puis d'un coup, je le lâche. Mais le monde va tout me regarder, avec les yeux et avec le nez. Mais là, c'est pas grave, ça. Toi, si tu te sens, etc., à cause de ce que les autres vont penser, ou à cause de l'éducation que t'as eue, ben, t'es manipulé. Mais pas par l'extérieur. Par les conceptions puis par ce qui est imbriqué au niveau de ta psychologie. C'est par ça que t'es manipulé. Si toi, tu te dis, ouais, mais c'est le monde, il va dire, il fait déjà assez chaud ici, etc., c'est une réaction mentale là-dedans, peut-être tu pèteras pas. Tu vas aller péter dehors. Tant que tu pètes pas, en tout cas. Retenir. Mais ce qui arrive, c'est que ça, c'est mental. Mais là, c'est différent. Moi, je décide que je m'en vais dans une fête où tout le monde est bien habillé, puis je sais très bien qu'eux autres, de par leur évolution psychologique, de par leur évolution astrale, ils vont très mal réagir si j'arrive là en jeans. Ben, ou j'y vais ou j'y vais pas. Mais je me sens pas quoi que ce soit, c'est parce que je m'habille. Là, c'est mental. Je comprends leur niveau d'évolution psychologique, puis je m'arrange pour le faire plaisir. Tu sais, quand je travaillais auprès du monde. J'arrivais pas là-bas en sacrant ou n'importe comment. Le monde, crime, qui était déjà en train de mourir, il serait mort, là. Tu sais, il aurait eu assez peur. Ben, c'est pas parce que je me sentais quoi que ce soit. J'étais pas manipulé. Je comprenais la forme qu'eux autres se servent, comprenais la forme dans laquelle eux autres étaient implantés. Puis là, ben, vu que je travaille avec eux autres, je travaille avec cette forme-là. Ça, c'est intelligent. Mais si toi, tu réagis continuellement à tout ce qui vient de l'extérieur, ben même si tu mettrais le feu à l'extérieur, tu vas encore réagir, tu vas t'ennuyer, tu vas te sentir coupable de n'importe quoi qui va se passer. Alors, ce qui fait que tu peux pas empêcher la manipulation extérieure. Mais la manipulation extérieure ne fonctionne que parce qu'elle a une possibilité en toi, et à partir de là, elle te manipule. Alors, si on voit ça puis on vit ça, on se rapproche du libre arbitre lentement. Au niveau de ces choses-là, de la manipulation personnelle, c'est-à-dire tes propres peurs, tes propres craintes, tes propres choses, ça, c'est ta destinée, ça. T'as pas le choix d'avoir peur quand il faut que t'aies peur parce que t'es habitué à avoir peur de même. Si, par exemple, moi, je te dis, Jacques, veux-tu aller chercher mes affaires dans mon auto? Je n'aurais besoin, je commence ma conférence dans 5 minutes, puis toi, t'es assis, puis tu dis, ben, bon, moi, je me lève, c'est correct, mais si on est en retard, on saura sa faute à qui. Mais c'est quoi ça si c'est pas de la manipulation? Là, moi, je m'en vais en essayant de te culpabiliser, puis en essayant, tu sais. Toi, tu peux dire, c'est correct, moi, y aller. Mais là, c'est qui? C'est moi, je suis manipulateur total. Là-dedans, m'amuse comme un fou, même si j'en suis inconscient, les enfants sont manipulateurs, les parents avec, tu sais. Mais c'est de même qu'on se manipule, là, tu sais. Puis toi, tu vas réagir. Mais moi, si je te dis ça, c'est parce que déjà en partant, je réagis au fait que tu veux pas exaucer mon désir. Puis que je crois être en droit que tu le fasses. Je suis conférencier, pis etc. Tu sais, je me place, j'ai de l'orgueil qui bat tout ça. Puis toi, si tu réagis de même, c'est parce que toi aussi, tu me places sur le même piédestal que je me place. Puis tu te dis, ouais, c'est vrai. Puis il dit que t'es bon. Mais tout ça, c'est quoi? S'il y a rien en toi qui permet ça, bon, c'est correct si on commence en retard. Puis toi, ben, tu sirotes ton café, bon, on commence en retard. Puis après, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Là, t'es plus manipulé par ça. Bon, mais il y a une chose qui est importante, c'est que l'homme, il y a une manipulation très, très, très intense au niveau de sa psychologie. C'est cette manipulation-là qui lui permet d'être manipulé par l'extérieur ou par l'astral planétaire, la psychologie de toute la planète. Mais ton bonhomme qui se dit, bon, ben moi, j'ai compris. Fait quand quelqu'un me dit quoi, ça me tente pas, ben je l'envoie chier. Non, t'as pas compris. Là, tu réagis, t'agis pas. Tu réagis encore. C'est-à-dire qu'au lieu d'exprimer une parcelle spirituelle psychologique, t'exprimes une parcelle plus dense psychologique. Donc, au lieu d'exprimer du blanc psychologique ou du spiritualisme blanc, tu exprimes l'inverse noir. Mais t'es toujours manipulé par ta propre psychologie. C'est-à-dire que tu fais rien que penser à toi sans voir intelligemment la réaction sur l'entourage. Alors, si tu. Vois-tu, réagir, tu peux réagir en disant, c'est correct, je vais y aller. Ben non, vas-y donc. Tes papiers, c'est mouvement balance. Moi, tu sais, qu'on commence en retard le monde, il n'y a rien qu'à attendre. Mais là, c'est une des réactions que tu fais. Tu n'es qu'un paquet de réactions. T'es encore qui? Ben, t'es pas toi. T'es pas Jacques Dussault. T'es pas qui que ce soit. T'es pas rien de ça. T'es quoi? T'es banal. T'es un paquet de réactions. T'es un paquet de mémoires qui essayent de s'exprimer d'une manière des réflexes qui veulent passer, puis c'est tout. Si je te touche sur le bras, puis tu sursautes prêt à te battre, pourquoi tu fais ça? Ah, moi, je trouve ça. Ah ouais, t'as toujours fait ça. Mais pourquoi tu fais ça? Ah, moi, je trouve ça. Je suis de même. Ah oui, t'es de même. Mais tu sais, va dire, va un peu plus loin. Tu sais, c'est niaiseux. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ah, là, les psychologues vont dire c'est parce que des peurs inconscientes dans sa jeunesse, c'est passé. C'est bien beau, ça, mais on s'en fout là, de ça. Si la personne apprend conscience, c'est vrai que je grimpe au plafond, tout fois quelqu'un me met la main sur l'épaule. Tu sais, puis le gars, il se dit, bon, ben, m'a voir, ça passe. Quand quelqu'un touche, là, c'est le temps de regarder ce qui se passe. T'as pas besoin de t'en aller 15 vies antérieures pour savoir ce qui se passe dans toi. Tu l'observes tout de suite, puis crime, j'ai senti, tu t'étudies toi-même. Une chose est bonne tant qu'elle peut pas être améliorée. Quand elle peut être améliorée, la chose, elle devient satanique. Elle est noire et plus bonne, c'est évident. C'est la même affaire pour n'importe quoi qu'on a ici. N'importe quelle conception religieuse, spirituelle, philosophique, au niveau des lois, des sociétés ou n'importe quoi. La chose, elle est merveilleuse tant qu'elle ne peut pas être améliorée. Quand la chose peut être améliorée, elle devient destructive pour l'entité même qui a cette chose-là à l'intérieur d'elle. Or, toi, tu as des réflexes, c'est merveilleux. Mais ces réflexes-là sont très bons, sont salutaires chez un babouin, sont salutaires chez un australopithèque, sont salutaires chez un n'importe quel des hommes des cavernes. Mais là, quand tu arrives au niveau de l'astral qui est extrêmement dense, moi je t'appelle les australopithèques, ceux-là. Alors quand tu arrives au niveau de l'homme d'aujourd'hui, les australopithèques, ben c'est plus bon parce que ces êtres-là ont la capacité de pouvoir améliorer le schéma héréditaire ou éducationnel qu'ils ont eu. Alors s'ils refusent de l'améliorer quand ils ont l'outil pour l'améliorer, ben, me dis franchement, moi, si je te donne des outils pour bâtir ta maison, 6 mois après, t'as encore rien fait, tes outils vont aller chercher. C'est ce qui va arriver. Alors, ce qui fait que là, on a la possibilité de pouvoir arranger ça. T'es manipulé d'une façon très parfaite tant que toutes les fois que t'entends un bruit, tu grimpes d'un arbre. C'est bon. Mais quand t'es rendu un homme, que t'es plus un primate, pas dans le sens des singes, parce qu'on n'est pas des singes, on n'a jamais été des singes, on vient de notre souche, je cliquerai à un moment donné. Mais dans le sens primaire, tu sais, il va dire que t'es plus un animal. Ce qui fait que quand tu commences à entendre des bruits, puis t'as été capable d'étudier le bruit pour commencer à discerner ceux qui sont dangereux de ceux qui le sont pas, puis que tu continues à grimper dans les arbres, ben veut pas, puis c'est pas une loi divine, c'est pas Dieu qui va t'ôter tes connaissances mentales. C'est que si tu t'en sers pas, ben ils vont finir par s'atrophier, c'est pas bien compliqué. T'as des bras, t'as des jambes, reste couché dans un lit à partir de ta naissance, aller jusqu'à 3 ans et plus. Il va te falloir une crime de rééducation pour fonctionner. Puis c'est pas une punition divine. C'est une loi simplement absolument universelle qui fait que si tu as de quoi et tu t'en sers pas, ça s'atrophie. Puis si tu as de quoi et tu t'en sers, ça augmente. Alors présentement, on a une psychologie, on s'en sert, ça augmente. Mais on a un mental, on s'en sert pas. Bon, on s'en sert, une chance. C'est on s'en sert pour créer des choses, pour pouvoir assouvir notre psychologie. Notre psychologie est tellement assoiffée, tellement craintive, tellement épeurée, puis tellement en désir d'avoir des jouissances qu'elle peut elle-même s'approprier, des jouissances mémorielles qu'on appelle physiques, mais les sens sont astros, les sens sont psychologiques, elles mènent l'information à la psychologie. Alors cette psychologie-là est tellement assoiffée de ça qu'elle a réussi à bâtir un intellect d'une grandeur extraordinaire. Maintenant, il est temps que l'intellect prenne sa place, c'est-à-dire que l'intellect finisse par pouvoir se servir de ce qu'elle a besoin mémoriellement dans un événement donné, précis. Peux-tu nous donner un exemple précis, justement? D'événement? D'événement et l'outil qu'on peut se servir pour sortir de cet Astralopithèque? Oui, bon. Alors, on va parler des exemples que j'ai vécu, comme ça, ben c'est mieux qu'on est dans l'année 21. Alors, à un moment donné, moi, je m'en vais au niveau de ma psychologie, des actes réflexes puis tout ça. C'est parfait, c'est un bon exemple, ça. Là, est un peu dégueulasse, mais bon. Alors, il y a bien du sang. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que moi, je m'en vais, je travaille avec un médecin, puis je m'en vais, je travaille pour Urgence Santé Montréal, et puis on a un appel, c'est simplement difficulté respiratoire, saignement. Parce qu'on a des codes maintenant comme ça, s'ils ont. Fait qu'on s'en va, flasheur sirène, il y a une ambulance qui se met en direction, tout ça. Moi, je suis dans un autopatrouille du matin. Puis on s'en va là. Et puis là, tout d'un coup, on entend sur les ondes le véhicule ambulancier qui devait être là, qui arrive, qui se rapporte arrivé sur les lieux. 30 secondes après, il revient, il dit « Envoyez la police, ça c'était de tout partout ici. » Alors moi, psychologiquement, ben ça fait depuis fait déjà 6 heures qu'on est dans le char pis qu'il se passe rien. Fait que là, je regarde mon doc, je dis « Hey, c'est notre appel, ça! » T'es content? Là, on accélère un peu. Parce que là, j'ai trouvé ça plate, ma journée. Là, enfin, il se passait un peu d'action. Ça, c'est psychologique. Mais là, plus que je m'en allais là, là, ma psychologie se descend, mon mental prend le dessus. Le médecin, lui, sa psychologie embarquait, il commençait à enfoncer dans son banc. Pas ça de courageux. Il n'a que son correct, mais... Alors, ce qui arrive, c'est que là, moi, mon mental, pendant le dessus, je me dis, ouais, mais ça se tire de tout partout. quand m'arrivait là, moi, être quelque part dans le tout partout, moi, là. Tu sais? Fait que faut que je commence à voir ça comme du monde. Fait que là, tout d'un coup, là, j'entends sur les ondes, c'est le même véhicule qui demande une autre ambulance. Fait que là, je me dis, il y a au moins 2 blessés. Fait que quand on arrive là, ben là, on se trompe, c'est à Saint-Michel, c'est à l'envers, des sens uniques, des places, ça passe pas, puis des usines, des cheminées, en tout cas, bon. Fait qu'on arrive à l'envers sur le trafic, puis là, on voit l'ambulance qui est là, il y a un véhicule policier, une ambulance de la police en arrière, puis c'est tout. Fait qu'on se place, puis là, il y a à peu près 45 personnes sur le bord de la rue, tu sais. Fait qu'en descendant, ben moi, faut que je sorte des grosses trousses, parce que je suis en même temps le servant du médecin, c'est normal. Lui, il fait sa job, puis moi, je donne ce qu'il a besoin, tu sais. J'en place tout le personnel de l'urgence, puis lui, c'est le médecin. Moi, je fournis tout. Alors, si tu sens tes trousses, t'en as des bras, t'en as tout partout, puis là, on rentre dans le cours, le médecin est dans le regard de moi. Et puis, là, il y a une personne en tête dans le gazon qui se roule à terre, puis qui crie « Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Il est malade, puis il se tient à tête, puis il se promène. » Là, le médecin, lui, ben moi, je regarde le gars, puis là, le médecin, ben il voit bien que... Fait que là, le médecin, sa psychologie prend le dessus, mais pas la psychologie négative. Il décide qu'il rentre. Bon, là, il décide qu'il y va. Fait que là, moi, je rappelle mon médecin, je dis « Ah, attends un peu, plein de temps avant l'entrée, là. Ça va, où est-ce qu'il est le gars, moi, avant que tu rentres? » Fait que je demande à l'autre « C'est qui a fait ça? » Je le sais pas, il est malade, il est malade. Fait que je demande « Il est où? » Je le sais pas. J'y ai-tu encore en dedans? Il dit « Non, il est parti. » Mais là, ça, c'est mental. Fait que là, on vient pour rentrer, puis là, je me dis « Il est parti, mais c'est pas sûr. » Le médecin était bien convaincu qu'il était parti. Ton mental, faut qu'il reste là. Mais si le mental dit c'est pas sûr, puis ma psychologie dit ouais, mais là, moi, je rentre pas. Là, c'est la peur. Mais t'as des capacités. L'homme, là, il est extraordinaire avec son mental, mais faut qu'il s'en serve quand c'est le temps. Tu viens pour rentrer, tu regardes, il y a du sang qui coule encore des marches, il y en a ses murs, puis t'as 3 étages de même, mais tu vois que le sang monte en haut, puis ça descend jusqu'en bas, il y a une porte d'ouverte. Fait que là, moi, je me dis, si je descends, je peux voir clair, si je monte, je vois rien. Puis il y a du sang en bas. Es-tu monté, es-tu descendu? C'est un blessé, a dû descendre, mais en tout cas, on le sait pas. Là, je vois une tête qui sort de la porte d'en bas, c'est ici. Ben non, c'est un des ambulanciers. Fait que mon médecin, il descend. Moi, je descends. Là, le médecin, il a son mental. Il sait que du sang, c'est glissant. Fait qu'il défend en faisant attention. Tu vois, automatiquement, il y a des choses qui sont réflexes. Puis ça, ça t'allait chercher tout de suite, ça l'a amené le mental à dire, attention, c'est glissant. Même s'il a peur, il a plus peur le temps qu'il fait attention pour pas glisser. Quand il arrive en bas, bon, là, il retombe dans le feeling, puis c'est même pas rendu compte qu'il avait descendu les escaliers. OK? C'est ça, là. Bon, moi, je descends avec métro, si on rentre dedans, je vois deux gars à terre, il y a une femme qui était tendue à terre. Les ambulanciers sont blêmes. Puis il y en a un qui me regarde, il dit, elle a une éviscération. Ça veut dire qu'elle a le ventre ouvert. Elle est couchée sous le côté. Elle est sur un tapis. Puis un tapis qui est coloré. Et puis là, ben, là, mentalement, moi, je cherche à savoir. Le médecin, il s'en va tout de suite voir. Il la revire lentement. Puis elle, effectivement, elle a une coupure à peu près un pied de long sur le ventre. Puis les intestins sortent un peu. Fait qu'on la ramène sur le côté parce qu'on se rend compte que c'est collé par le tapis. Puis quand elle revire sur le côté, tout ça, fait que c'est pas génial. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Je dis, c'est un peu sanglant, mais c'est bon. Ça fait vibrer la psychologie du monde, là. Fait que soyez mental un peu, vous allez voir ça dans l'ordre. Alors, ce qui arrive, c'est qu'en même temps, moi, ben, moi, parce que c'est moi. Alors, je demande aux ambulanciers qui sont là, mais le petit gars au troisième, comment il va? Fait que lui, il se rend pas compte que moi, je sais pas qu'il y a un enfant au troisième. Mais lui, il me répond, il est mort. Fait que moi, je lui demande, t'es sûr? Il me dit oui. Fait que, moi, j'ai mes trousses encore des mains, puis je sais, c'est rien que mental. Y a pas de psychologie. Mais là, quand je pense au petit gars en haut, là, il y a de la psychologie qui embarque. Là, ça me tente de tout laisser mes trousses-là d'aller voir. Moi, savoir s'il l'est ou non. Mais si je monte en haut puis il est mort, là, c'est mental. Mon médecin, lui, s'il veut sauver la mère, il y a rien d'un trousse qui peut se servir. C'est pas, il sait pas quelle trousse qu'il y a quoi, lui-là, là. Fait que si je monte en haut puis qu'il est mort, puis je redescends puis il est mort pendant ce temps-là parce que le médecin peut plus rien faire parce que moi, j'étais pas là pour le servir. Les ambulanciers connaissent pas mes trousses. En plus, on blingue comme des draps. Fait que là, je suis fucké. Fait que là, on commence à ouvrir, etc. Le médecin, il commence à voir. Il a bien travaillé. Là, il est redevenu médecin parce qu'il était plus dans un, les réflexes de sa profession sont rentrés. Il a pu redevenir mental, aller chercher dans ses mémoires, pas d'une façon psychologique, mais d'une façon intelligente, les ressources qu'il avait besoin pour pouvoir travailler sur le cas. Dans son cas, c'est dû à son entraînement professionnel. Ça, c'est le réflexe médical, c'est ça. Mais si la psychologie aurait embarqué dessus, il serait assis d'une chaise, il aurait été blême comme les ambulanciers, il aurait attendu que je sais pas quoi qui se passe. T'sais, là, il a pu travailler comme il faut. Fait que moi, je lui demande, j'ai rien à faire. Il dit, ah oui, il y a de quoi à faire. Moi, j'ai pas assez d'expérience. Puis là, j'étais pogné entre le troisième puis là. Fait que j'ai rien à faire pour me donner une raison de monter en haut. Mais ça, c'est pas intelligent. Ça, c'est astral. C'est émotif. Tu sais. Alors, ce qui fait que le médecin commence à travailler, pis etc. Puis là, moi, je commence à travailler avec. Puis en même temps, je demande aux ambulanciers, ben, il y en a un qui était parti chercher du stock qu'on a besoin, la trousse d'obstétrique, parce qu'il y a des grands champs stériles, etc. Puis là, je lui demande, t'es sûr en haut? Il dit, oui, je suis sûr. Fait que là, ben là, le médecin, il a plus besoin de moi. Je prends le téléphone, je rappelle l'urgence santé, je dis envoyez-moi une autre ambulance puis un autre médecin, puis ça, c'est ça, c'est urgent. Ça a pris peut-être une minute, à peu près, même pas 30 secondes avant qu'un autre médecin arrive. Lui, c'est un doc d'action, pas de problème. Fait que lui, il descend en bas, je dis va voir en haut, il monte en haut, l'ambulance arrive, ça va bien. Ben en haut, il y avait deux autres blessés. Il y avait le bonhomme qui a fait ça, qui s'est planté avec tout en vente, et lui, on l'a sauvé. Les deux autres sont pas sauvés. Je trouve le même, ça marche. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que mentalement, tu travailles, t'as ta psychologie qui embarque. Le médecin, il a eu peur jusqu'à temps qu'il commence à travailler. Là, il avait plus peur, il y avait plus rien. Il y a du monde qui rentrait dans la pièce, qui sortait, il n'y en a pas vu un. Il travaillait là. Fallait qu'il intube, fallait qu'il mette une veine, fallait qu'il sauve sa patiente. Puis là, le médecin, il était super. Je connais des médecins, moi, qui n'auraient rien fait. Il n'aurait pas pu le faire parce que la psychologie aurait été trop forte. Mais là, son réflexe médical, c'est pour ça que quand t'as des réflexes justement qui sont bons. T'as des instructions. À un moment donné, moi, je vais en parler de l'instruction. Il y a des formes d'instruction, des techniques, justement, de réflexes intelligents, OK? Qu'à un moment donné, moi, je vais commencer à enseigner, qui permettent justement à l'individu, dans des circonstances, d'avoir juste à se rappeler quelque chose pour automatiquement effacer carrément une émotion qui veut passer par-dessus, OK? Alors, tu as peur, tu penses à quelque chose, tu t'es pratiqué à faire ça, puis t'as plus peur. C'est clair, puis tu t'observes. Ça se fait, des réflexes simplement. Au lieu d'être des réflexes qui vont être animaux, qui vont être émotifs, ils vont être des réflexes intelligents, intellectuels. Alors là, le bonhomme, le médecin travaillait, c'était parfait. Les ambulanciers, eux autres, quand il y a eu le médecin puis l'assistant médecin, moi, ben automatiquement, ils sont revenus dans un cadre plus confiant, puis là, plus de problème, plus d'émotivité, et la civière, elle vient, tout fait, puis là, c'est des professionnels, c'est digne de filmer ça. T'sais, il y avait rien à faire, je parle, mais en tout cas, c'était fait parfait. Là, il y avait plus d'émotivité là-dedans. Il y en a eu après, mais pas pendant. T'sais, les policiers qui sont rentrés là, quand ils nous voyaient faire, les policiers transpiraient tous, c'était juste l'émotivité. Mais si le gars était là, caché, en train de tirer, le policier n'aurait pas eu d'émotivité, parce qu'ils ont le réflexe, justement, de leur instruction, de leur éducation, qui fait qu'ils sont corrects. T'sais, ils paraissent pas humains quand ils tirent sur du monde ou quand ils sont dans des barricades ou etc. Mais c'est pas le temps non plus qu'ils paraissent humains. Parce que les policiers humains qui paraissent humains dans ce temps-là, on se trouve souvent au cimetière. T'sais, là, c'est le femme humaine qui s'ennuie. Mais là, il n'y avait pas rien au niveau policier, c'était médical. Nous autres, pas de psychologie là-dedans, que du mental. Les policiers, il y en a qui snapperaient les murs en maudit, par exemple. Hein. Là, après ça, on embarque tout ça, on s'en va. Moi, ben, je monte au troisième pour aller voir, puis le petit gars est encore en vie. Mais le petit gars, toi, tu ne l'avais pas vu physiquement. Non, mais. Tu avais ressenti qu'il y avait un enfant au troisième avec ton corps mental. Oui, c'est ça. Non, pas avec mon corps mental, avec d'autres choses. Mais un raffinement qui fait que mon astral s'en empare pas pour paniquer, là, mettons, qu'à un moment donné, tu finis par le faire. Mais ça, ça va être l'apanage de tout le monde, très peu, ça. C'est de l'intuition, on peut dire, là, mais de l'intuition qui poussait un summum tel que maintenant ça devient des visions. Ouais, plus d'intuition, plus fort. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que moi, je monte en haut, et puis le petit gars est couché sur une table de salon, et puis il est tout organisé, tout ça, ça va bien, les ambulanciers sont corrects, il y en a un qui ouvre une veine, tout va bien, le médecin, il le moniteur, tout ça, puis il y en a un qui masse, c'est parfait. Alors, moi, je remplace le massage parce que c'est extrêmement compliqué à faire, puis là, j'ai pas d'émotivité, mais tout le monde a la même idée, le sauver. C'est une parcelle d'émotivité, ça. Sauf que cette parcelle-là vient juste sous-tendre ton travail mental, elle vient pas le perturber. T'es pas manipulé. T'es manipulé dans le sens que tu veux le sauver, OK, mais tu as le choix d'accepter cette manipulation-là ou non. Il y a un maudit libre-arbitre là-dedans. Oh, puis moi, je le sauve pas, pour la simple raison que ça fait tant. Tu sais, quand on décide d'abandonner un patient, là, parce que ça fait une demi-heure qu'on travaille dessus, c'est mental. On a le libre-arbitre. Moi, je continue parce que j'ai ma psychologie qui vient juste sous-tendre mon travail et qui me dit sauve-le. Fait à un moment donné, ouais, mais là, je vais le ramener, mettre un légume. C'est mental, ça. Fait que la psychologie, elle dit, ouais, bon, c'est correct. C'est fait. Tu dis, bon, laissez faire les gars, puis rien à faire. Puis, il n'y a pas d'émotivité là-dedans parce que c'est intelligent qu'il n'y en aille pas. Tu sais, c'est normal qu'on meure à un moment donné. Quand il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Fait que là, c'est ça. On travaille sur le petit gars, puis tout va bien, puis le cœur repart, puis tout marche comme il faut jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien qui fonctionne. Bon, tout le temps qu'on était là, à part les policiers, il n'y avait pas de psychologie émotive, à part ce qui venait juste au temps de travail du personnel médical. Bon, mais là, c'était correct, il y avait un acte. Quand on a décidé d'abandonner ça, là, on est descendu en bas avec notre équipement, on a oublié la moitié du stock en haut. Le médecin, ben, il a commencé à faire une autopsie parce qu'il savait qu'il faudrait qu'il passe en cours, fait qu'il préférait tout de suite relever les marques et tout ça. Et puis, j'arrive en bas, puis là, je vois un policier qui empêche le monde de rentrer parce que le monde, il y a une psychologie avec, ils veulent voir eux autres, tous des journalistes, le monde-là. Ils veulent tout voir ce qui se passe. Le policier, il est en bas, faut qu'il empêche de rentrer. Il se fait traiter de chien, il se fait traiter d'un paquet d'affaires. Tout le fois que ça revient, il broye. On descend, nous autres, il se tient après le mur, il broye. Puis là, ben, on retombe dans le phénomène. Tu sais, c'est ça qu'il y a. S'il serait mental pis intelligent, ben, là, il passerait pour un maudit salaud pis ce que tu voudras, mais lui, ça le perturberait pas. Mais là, il y a pas de réflexe, là. Il y a pas de réflexe de profession qui vient mettre en contact son mental avec ses mémoires éducatives. Okay? Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que la personne est efficace tant qu'elle, son mental prend le dessus, le mental va fouiller dans les mémoires, dans ce qu'elle a appris, ou dans d'autres connaissances qui deviennent intelligence active, qui lui permet de faire des choses qu'elle a jamais appris. Bon, tant que le mental s'occupe de ça, c'est parfait, l'événement est sous contrôle. Mais quand le mental est submergé par ta psychologie, par ton émotivité, par l'astral de l'homme, ben, automatiquement, tu viens quoi? Tu deviens un être humain. Mais dans le sens où ce qu'on se donne ça comme excuse. Parce qu'un être humain, c'est pas un gars qui capote n'importe quoi, n'importe quand qui arrive quelque chose. Un être humain, c'est quelqu'un qui est efficace dans n'importe quelle situation. T'sais. C'est ça, un être humain. Alors, en fin de compte, ben, on n'est pas encore humain, tout à fait. On n'est pas encore pseudo-animal, pseudo-humain. Hein? Il y en a qui disent qu'on est divin, mais... On pas encore humain, c'est ça, oui, un potentiel. Alors, ce qu'il fait, c'est ça, c'est que tu es manipulé par cette psychologie-là que tu ne connais pas. Et puis toi, quand tu es capable de créer, la première libération que tu peux avoir, c'est quand tu es capable de créer, d'engendrer en toi des actes réflexes qui mettent en contact ta capacité intelligente intellectuelle avec tes mémoires. Là, automatiquement, tu deviens efficace, puis tu n'es plus manipulé de la même façon par ta psychologie. La seule manipulation qui te reste, c'est ce qui vient sous-tendre ton travail. Mais tout ça fait quoi que dans ta psychologie, celle justement où tu devrais te libérer, c'est là qu'est le manipulateur. Physique, très très peu manipulateur, le physique, il l'est. Mais il l'est, pourquoi? Parce qu'il envoie l'information à ta psychologie, puis ta psychologie réagit en fonction de ce que ça lui tente ou de ce qu'elle a appris. Manipulateur se trouve juste dans l'astral de l'homme. Mais tu as aussi les psychologies extérieures à toi qui viennent te perturber. Comme tout à l'heure, je t'expliquais. Moi, je peux te culpabiliser si ça me tente. Moi, je peux te faire peur si ça me tente. Ton char est en panne, ça, tu vas gueuler. Il y a un poteau électrique qui branle, t'as peur. Il y a un chat noir qui est à côté de toi, les yeux verts, t'es vendredi le 13, il y a le pain que t'es en train de refaire là, devant de ta maison, puis t'as pas le choix de passer en dessous de ton échelle. Ben, tu sors pas. T'es manipulé par l'extérieur, continuellement. Mais cet extérieur-là, il est manipulé parce, il te manipule parce qu'il y a la possibilité, il y a une porte ouverte en toi qui lui permet de te manipuler. C'est là qu'il y a le libre-arbitre, selon toi. Ben oui. Quand on dit que Satan, ben oui, mais quand on dit que Satan manipule le diable, puis toutes ces choses-là, ces cossins-là, ils peuvent seulement parce qu'il y a une possibilité en toi. Mais si toi, tu n'as plus cette affaire-là, tu es manipulé comment? Il reste encore une manipulation. Celle de la brique qui tombe sur la tête quand tu passes en dessous d'un building en construction. Celle du chien qui te pisse dessus quand il te voit. Celle de du t'es stationné puis un gars qui te rentre dedans ton char. Manipulation encore. T'as-tu un libre-arbitre là-dedans? Oui. Alors, l'homme, il y en a des libre-arbitres. Il y a plus de manipulation, mais il y a des libre-arbitres. Tout ça, j'ai commencé à expliquer ça la semaine dernière. Tout ça, toute notre vie, toute notre émotivité, tout notre schéma psychologique interne, tout ça, c'est un grand labyrinthe. C'est un grand jeu d'échecs. Et puis toi, tu joues, tu te promènes dans ce labyrinthe-là. Et puis un jour, tu découvres que tu as une capacité intelligente de placer les formes du labyrinthe à leur place avant même d'arriver dedans. C'est-à-dire que ça fait 20 fois que tu repasses dedans les mêmes dédales, tu finis par les mémoriser, tu n'as pas peur de repasser dedans, tu le souhaites presque. Parce que là, c'est le mental qu'il souhaite. Il a besoin de certaines données qui lui manquent pour pouvoir dessiner ça, puis il ne repassera plus jamais là. Là, tu commences, t'es manipulé dans le sens que si tu repasses là, t'as pas le choix. Tu réagis au labyrinthe dans le sens que tu es obligé de l'étudier. Pas toi qui le décides, t'as pas le choix, tu l'étudies. Mais là, lentement, tu te rends compte, justement, que quand tu touches à tel mur, le mur disparaît, puis arrive telle affaire. Mais si tu touches le même mur à une autre place, il ouvre une autre porte. Puis le même mur à une autre place, il ouvre une autre porte. T'as pas le choix de passer par une de ces portes-là, c'est une manipulation. Mais toi, tu commences à décider de laquelle que tu vas prendre, laquelle porte tu vas ouvrir. Puis à force de connaître, morceau par morceau, les dédales du labyrinthe, il y en a qui vont le connaître au complet, mais il y en a d'autres qui vont comprendre que t'es labyrinthe intelligent. Puis il n'y a rien de plus facile que de fourrer un être intelligent. Parce que l'être intelligent réagit à une psychologie avec ton labyrinthe. Toi aussi, t'as une psychologie à l'intérieur de toi. Puis vu que t'as une psychologie, il y a des portes que tu aimes ouvrir. Il y a des portes que tu n'aimes pas ouvrir. Il y a des choses que tu aimes faire, des choses que tu n'aimes pas faire. Puis le manipulateur, donc la psychologie intrinsèque à l'homme, comme le manipulateur planétaire, c'est-à-dire la psychologie de l'homme planétaire, elle aussi, elle a une intelligence, elle a des goûts, parce que justement, c'est une psychologie. Puis toi, avec ton mental, tu peux connaître les tiens, tu peux connaître les goûts des autres, avec ce qui fait que t'es capable de donner un cadeau à quelqu'un, mais ça va faire plaisir, quand ça fait 5 ans que tu y en donnes pis qu'il broille. Tu commences à pouvoir connaître le manipulateur. Lui, il broille, il te rend malheureux, mais toi, tu vas dire, il me rendra pas malheureux ce coup-là, parce que là, je le sais, là, comment il fonctionne. Fait que moi, il donnait ça, gars, il est heureux, tu vois, je savais. Tu commences, il te manipule encore, mais c'est bien différent. C'est le début. Toi, tu commences à manipuler le manipulateur. C'est le premier libre-arbitre que l'homme a. Mais l'homme l'a pas en naissant, ça. Il l'a en potentiel. Il y a deux sortes de réalités sur la Terre. Il y en a deux. Il y a les réalités qui sont existentielles, c'est-à-dire qui sont actuelles. Les réalités, comme par exemple, je t'assis ici. Il y a des réalités qui sont potentielles, je pourrais me lever et m'en aller. Mais ces réalités potentielles-là sont aussi réelles que les réalités qui sont actuelles. Sauf que nous, on ne vit qu'avec les réalités actuelles, mais dans notre psychologie, on vit avec les réalités potentielles. J'ai peur des chiens parce que le chien peut mordre. C'est pas une réalité actuelle, c'est une réalité potentielle qui fait réagir. Donc, la réalité potentielle, elle est aussi vraie pour ta psychologie que la réalité actuelle. Mais pour ton mental, c'est différent. Il ne trosse pas ni l'une ni l'autre. Il va travailler en fonction des deux. Ta psychologie, elle, accroît comme étant vraie les deux réalités, puis elle réagit aux deux. Dans ton labyrinthe, toi, mon cas me fait fourrer, c'est une réalité qui est potentielle, mais tu y crois. Puis veut, veut pas, ben, vu que tu mets pas la capacité mentale de t'en sortir en fonction, parce que tu dis que déjà en partant, tu t'en sortiras pas, ben, tu peux pas t'en sortir. C'est pas la psychologie qui va te libérer de la psychologie, c'est le mental, pour l'instant. Alors, ce qui arrive, c'est que dans ton labyrinthe, à force de connaître les portes, t'es capable de te dire, je suis déjà passé là, puis j'ai vu de la lumière. Fait que tu sais maintenant où peser pour que telle porte s'ouvre, tu t'en vas là. C'est la même chose au niveau de ton labyrinthe psychologique. Il y a des choses qui te font peur. Toi, faut te voir un film d'horreur, tu passes deux jours sans dormir. Ben merde, tu peux avoir peur, arrête d'aller voir des films d'horreur. Tu commences à connaître ta psychologie. Tu sais que quand tu rencontres ton boss, quand il se met à crier, t'as peur. Pense à ça, observe ça, puis là, fais le cheminement mental. Va le voir, le boss. Demande n'importe quelle connerie, fais-le crier. Puis profite-en pour observer. Fond pas devant lui, c'est tout fondu, tu pourras plus penser. Profites-en pour observer. Mais c'est ça, le travail du mental. C'est dur. C'est dur dans le sens que ta psychologie a peur de le faire. Elle a peur d'avoir peur, mais des réalités potentielles qui ne sont pas réelles. Il y a une montée de différence entre l'illusion potentielle que tu as à l'intérieur de ta tête et la réalité réelle qui est à l'extérieur de ta tête. Alors, ce qui fait que ton libre-arbitre, tu l'as. Puis de plus en plus, tu l'as. Pourquoi? Parce que tu es capable de manipuler le manipulateur. Le manipulateur, il est psychologique. Le manipulateur lui-même existe. Puis il est manipulé par lui-même, comme l'homme se manipule lui-même. Tout d'un coup, t'as peur. Pourquoi? Ben, je sais pas. Il est arrivé une idée dans la tête. Là, tu sais, c'est ça, la mémoire, elle te garoche une affaire, puis ça crée une peur ou une joie. ou une envie ou un désir. Mais c'est sorti de même, puis tout d'un coup, tu décides. Tu sais, la pensée de l'homme, t'as un vieux singe, tu te d'un arbre à l'autre. Faut que tu saisisses le singe, tu l'arrêtes. Puis après ça, tu y parles dans le cas, ce singe-là. Là, il va aller dans les branches que tu veux. C'est important. Alors, manipuler le manipulateur voudrait dire, si je comprends bien, que le mental manipule l'astral. Oui. Maintenant, est-ce que ce mental est manipulé par un autre plan? Oui. C'est ça qui est le problème, maudit. Alors, où est le libre-arbitre là-dedans? Bon, j'expliquais l'autre fois que tu as la possibilité d'être manipulé par ta psychologie ou par ton astral, que ça, que cette chose-là, c'est une chose qui est aberrée, qui est inintelligente, qui est une intelligence mineure. Et tu as la possibilité d'être manipulé par l'énergie intelligente active, disons par Dieu. Alors, tu as le choix, toi, entre être manipulé par l'astral ou par Dieu. Ce choix-là, c'est un choix, c'est comme les élections. T'as pas le choix. Dans n'importe quel choix, t'as pas le choix. Parce que tu choisis pas ce que ça te tente, tu choisis ce qu'on t'offre. Donc, en partant, t'as pas le même choix. T'sais? T'as un parti politique, il y en a quatre qui se présentent. Ben, tu votes pas pour celui que tu veux, tu votes pour le moins pire de la gang. Bon. Alors, ce qui fait qu'au niveau de ça, c'est pareil. Mais, tu as un libre arbitre total, mais total quand Dieu te manipule. Puis quand je dis Dieu, là, faut l'entendre comme je l'ai déjà expliqué. C'est une intelligence qui est active. On va revenir aussi là-dessus parce que, je veux dire, à un moment donné... Quand tu fais référence à Dieu comme ceci, là, tu parles de l'énergie du mental supérieur ou d'une énergie plus haute encore. Pour l'instant, disons que je parle d'énergie du mental supérieur, donc okay. D'une intelligence active. Bon. Maintenant, l'individu qui se fait manipuler par la haute astrale ou l'astral médium et qu'on lui fait à croire que c'est une énergie du mental supérieur, il est bien mal pris, lui. Oui, il est extrêmement mal pris. C'est d'ailleurs, oui, c'est bon. Ça arrive très, très souvent. Ouais. Mais vois-tu, ce qui arrive simplement, c'est que tout ce que j'ai compté là à soir, ça peut tout être faux. C'est vrai. Puis moi, je suis un rusé parce qu'il y a des choses fausses aussi que je compte. C'est à mon moment de réfléchir. Alors, tout ce que j'ai dit à soir, ça peut être faux, ça peut être tout des mensonges. Mais le gag là-dedans, c'est ça. C'est que faut que la personne fasse son cheminement. Puis elle peut en arriver à s'en sortir. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que tant que tu es psychologique, t'es manipulé par toi-même. Puis étant manipulé par toi-même, par ta psychologie, cette psychologie-là, de par sa nature, elle est en relation très, très, très, mais très intime avec la psychologie planétaire. Ce que j'entends par psychologie planétaire, c'est la psychologie des autres. Si on est tous les deux dans le bois, moi, je commence à avoir peur, je commence à broyer, je crie, j'arrache les feuilles, j'en mange, ben, t'as commencé à avoir peur, toi, avec. T'es avec ton chien, pas de problème. Écoute, le chien... Il monte des gros, là, tu sais. Alors là, toi, là, tu sais plus, là, tu sais, là. Tu regardes ton chien, pour voir, c'est pas toi qui en veux. Puis là, c'est pas toi qui en veux. C'est encore bien plus peurant. Tu sais. Tu peux te la regarder pour te rassurer, mais là, t'es dans le bois, puis ton chien grogne. D'un coup, ton chien, il fait, les oreilles tombent, la queue, il rentre entre les jambes, puis il fait, ouh, ouh. Alors là, t'es manipulé par l'extérieur, parce que justement, t'es en relation intime avec l'astral extérieur. Là, quand ton chien vient se coller entre tes deux jambes, mais toi, t'aimerais bien avoir un gros chien pour te coller entre tes deux jambes. Hein? Alors là, tu commences à être fait. Mais c'est ça. Ça, faut la voir, cette relation-là, elle est là. Mais elle est là. Si mon chien a peur, ben, crime, tu le lèves par la laisse, tu le brosses un peu, il va arrêter d'avoir peur. Tu sais? Parce que là, il te nuit, là, lui, là. Puis là, t'es intelligent, puis là, tu regardes. T'es dans le bois, toi aussi. Ton chien, il a peur, il a la queue entre les deux jambes. Tu sais pas ce qu'il y a. Là, tu déchires ta chemise, t'arraches tout ça. Puis là, tu te places, là, puis... Le chien on a peur! Mais regarde dans le bois qui va se sauver, par exemple. Même si c'était un Yeti, tu vois, il va sacrer son camp. T'as pas peur, toi, t'es mental, t'es connais la psychologie des autres. Y'a pas aucune psychologie animale qui arrive à la cheville de la psychologie de l'homme. L'homme peut avoir plus peur aussi. Mais l'homme, il peut contrôler ça en maudit. S'il a confiance. Et il en a dans l'homme de l'énergie. Il en a en maudit. Là, il va entendre les branches s'en aller pis les animaux qui se sauvent. Là, faut pas qu'ils fassent peur. Il va entendre des bruits. Première fois que j'ai fait ça, moi, j'ai eu peur de moi. C'est une caverne, ça résonnait, tu sais. Je pensais pas que ça durait si longtemps. Une caverne où? Pis ça résonnait. T'es là pis tu cries, là, pis c'est beau, pis c'est beau, pis d'un coup, ça crie encore, pis ça crie encore, pis là, à un moment donné, t'as peur. D'un coup, ça arrête. Crierai plus jamais. T'sais, mais c'est ça, c'est que ta psychologie. Mais là, t'as vu? Moi, j'ai la connaissance de la psychologie de l'homme, j'ai aussi la connaissance de la psychologie animale, j'ai aussi la connaissance, la compréhension de la psychologie de la planète. Ce qui fait que si tu veux me faire peur, tu peux avoir peur. T'sais? Puis la première chose que tu as, toi, c'est que tu veux faire peur, la personne réagit pas. Ça t'en revient dans le visage. Mais si la personne, en plus, décide de te donner une leçon, puis elle a la capacité de te donner une leçon, tu vas avoir peur. Puis tu feras plus jamais peur au gars. Jamais. Tu l'as appris, tu sais. Mais tu restes traumatisé avec ça. L'animal, là, qui vient de faire peur dans le bois, va s'en aller. Mais avant qu'il approche un homme, même si lui, il marchait, puis ton chien, il part parce que c'était un ours, puis il savait même pas qu'il y avait un homme là, cette région-là, il ira plus là. T'as la paix. Mais si tu voulais rencontrer des ours, ben là, c'est plus ça, tu sais. Mais si tu connais bien la psychologie de tout ça, le mental peut s'en servir. Mon chien, il a peur, puis là, il traîne, il est en train de manger sa laisse, là, tu sais, là, il shake. Il peut se diriger les ongles, lui, là, il en a besoin, fait qu'il mange la laisse. Puis là, si moi, je suis psychologique, ça veut dire que si mon émotivité prend le dessus, il va prendre la laisse, moi aussi, il va manger des bouts, tu sais. On va avoir peur, tous les deux. Mais si moi, je suis mental, mais là, ta psychologie peut te dire, oh ben, tabarnouche, moi, je suis ci, puis je suis ça, puis y a rien qui va me faire peur. L'ours, quand il va arriver en avant, lui avec, il y a une espèce d'orgueil. Puis lui avec, il s'en vient. Tu sais, c'est pas parce que toi, tu veux imiter. Tu sais, si t'entends des bruits dans le bois, essaye pas de crier comme j'ai crié là, tu seras pas capable. C'est pas parce que tu veux imiter quelque chose que tu as la compréhension de la psychologie. Faut que tu saches avec que si l'ours, il est debout puis qu'il monte ses pattes puis qu'il commence à gueuler, lui avec, il émet des formes astrales. Là, faut que tu saches si c'est le temps de crier ou pas crier. Parce que si tu lances un défi puis lui, il t'a vu gros de même, tant qu'il sait pas c'est quoi, il a peur. Il est comme un homme, lui, avec. Il a bien plus peur que l'homme, par exemple, parce qu'il n'a pas de mental pour l'aider. Mais quand il a vu c'était quelle forme qui était là, si lui décide, parce qu'il en a déjà attaqué 4-5, puis il a déchiqueté en morceaux, ben même si tu cries, faut que tu cries en tabarnouche, puis que le poule, il te retrousse sa tête, tu veux faire peur. Parce que l'ours, quand il t'a vu, là, c'est plus le temps de crier, il lance pas un défi, là. Tu sais, faut que tu sois mental. Il y a bien des choses dans le genre. Le libre-arbitre, là, il est extraordinaire, parce que l'homme, il est extraordinairement puissant, là. Il peut tout maîtriser ça. On va revenir juste un petit bout avant les questions, après la deuxième partie, parce que le libre-arbitre, là, on en parlait clairement d'où ce qu'il est et comment tout. Parce que la destinée aussi, je pense qu'il faudrait en parler un peu plus. On va juste faire ma parenthèse en deuxième partie. Alors sur ce, nous allons prendre une pause de 20 minutes. Et puis, pour la deuxième partie, vous pouvez poser vos questions par écrit. Et puis, je vous demande de les d'écrire correctement, de façon à ce que j'ai pas l'air d'un gars qui sait pas lire. En même temps,